بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم هو اليوم الرابع والعشرون من شهر جمادى الثاني عام 1434. Donc nous entrons, inshallah ta'ala, aujourd'hui dans le troisième cours, toujours dans l'étude de ce livre, Shama'il al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les qualités sublimes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes le 24 avril 2013. Wa fi dars al-sabiq, akhadna al-kalam an sifat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. À travers le cours passé, on a pu voir la description physique du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. On a pu voir des informations concernant son corps, concernant ses cheveux, concernant la couleur de sa peau, sa taille, sa façon de marcher, sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres choses encore. Qui peut me faire un résumé de la description physique du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam? Qui? Amidou. La démarche dynamique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, كان إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صدف، أي يمشي بقوة كأنه ينزل عليه الصلاة والسلام. Quant à la démarche, elle était dynamique. On avait l'impression, quand on le voyait marcher, qu'il descendait une pente et qu'il dévalait une pente, alayhi salatu wa salam. Deuxièmement, la peau, elle était ni très blanche, ni très noire. La couleur de sa peau, alayhi salatu wa salam, elle n'était ni très blanche, ni mat. Taïb. Elle était comment? De quelle couleur? Fadala fi. Kana Nabi sallallahu alayhi wa salam abiyad. وفي بياضه حمرة يميل إلى الحمر. Le prophète, إلى الحمرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était blanc, mais il n'était pas très blanc. Alayhi salatu wa sallam. Il avait une rougeur qui apparaissait sur sa peau, sallallahu alayhi wa sallam. Quoi d'autre? Vas-y, mon frère. Barakallah fik. Tu t'appelles comment? Abdul Karim. Akramak Allah. Donc, notre petit frère Abdel Karim a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de la rougeur sur le blanc de ses yeux. Et c'est exact. Quoi d'autre? Comment? Il avait la bouche large, sallallahu alayhi wa sallam. Abdel Karim. Il était de taille moyenne, alayhi salatu wa sallam. Abdel Karim. Donne-moi une autre. Barakallahu fik. Il avait les mains fermes. كان النبي صلى الله عليه وسلم شفن الكفين والقدمين، أي غليظ، فيه قوة في كفيه وقدميه. إلا أن ليس معنى هذا أن فيه خشونة، بل بالعكس. Le prophète صلى الله عليه وسلم avait les paumes des mains et les pieds fermes et larges et forts عليه الصلاة والسلام. Et cela ne veut pas dire qu'ils étaient rêches, bien au contraire, ils étaient doux. À un point où Anas ibn Malik radiallahu anhu a dit: ma massat yadi hariran aliyana min yadi rasulillah alayhi salatu wassalam. Ma main n'a jamais touché une soie plus douce que la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdul Karim. Allahu Akbar. Il avait les articulations fermes. Kana nabi sallallahu alayhi wa sallam ضخم الكراديس، أي ضخم رؤوس العظام، يعني المفاصل ضخمة. Il avait les articulations fortes عليه الصلاة والسلام et larges. Les coudes, les épaules, les hanches, les genoux, chaque bout de ses os et de ses articulations. T'as quel âge, Abdel Karim? T'as 15 ans? Y a quelqu'un qui est plus âgé que lui ici? Wafaqak Allah. Qu'Allah t'aide, mon frère. Tu vas devenir un homme pieux, inshallah. T'aimes le prophète, alayhi salatu wa salam? Tu l'aimes? Tu vas lui ressembler, inshallah. Taïeb. Quoi d'autre? Vas-y. Vas-y, Abdelkarim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ce petit-là, il vient, il écoute. Il écoute et il comprend, il rentre chez lui, il a compris, il a retenu. Et c'est comme ça qu'on doit tous être. On doit tous prendre l'exemple de ce petit-là. Qu'Allah te facilite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un compagnon qui a été interrogé sur le visage du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Est-ce qu'il était comme une épée ou comme la lune? Et, pardon, est-ce qu'il était comme une épée? Hal kana mithla sayf, yani fi amrayn. Fi tol wa fi lama'an. Est-ce qu'il était comme l'épée, c'est-à-dire dans la longueur et dans la brillance? Le compagnon a dit, la bal mithla al-qamar. Le compagnon répond, non. Mais au contraire, il est semblable à la lune. Fi mada? Fi nouri wa fi diya'i. Dans sa lumière et dans la resplendissance qui ressort de son visage. Taïeb. Est-ce que la lumière dont on parle est une lumière réelle que l'on peut voir à l'œil nu? Hal nour alladhi fi wajhi alayhi salatu wa salam nourun hissi bima'na anna al-insana yarahu fa idha kana fi adh-dhulumat thumma ja'a an-nabi alayhi salatu wa salam adha' al-makan al-mudhlim. Est-ce que si le prophète sallallahu alayhi wa salam marche dans un endroit ténébreux et qu'il passe avec son visage alayhi salatu wa salam, est-ce qu'une lumière éclaire le chemin? La abadan. Là, c'est une mauvaise compréhension. Il y a quelque chose d'autre? Jazakallah khair. Tufiya alayhi salatu wa salam wa laysa fi lihyatihi wa ra'sihi 20 sha'ratan bayda. Quand le prophète alayhi salatu wa salam est mort, il n'avait pas plus de 20 poils blancs sur sa barbe et sa tête sallallahu alayhi wa sallam. Il y a quelque chose d'autre? Hein? Il avait des cheveux sallallahu alayhi wa sallam qui arrivaient au lobe de l'oreille. Sha'ruhu yasilu ila shahmatil udhun alayhi salatu wa sallam. Abdul Karim, c'est toi qui dis la dernière, inshallah. Naam. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yalbasu hullatan hamra wal hulla huwa al-libas al-mukawwan bi qit'atayn izar taht wa rida fawq. Le prophète alayhi salatu wa sallam portait un vêtement, une tunique composée de deux pièces rouges, mais elle n'était pas d'un rouge pur, une autre couleur était mêlée à ce rouge. Car il nous a interdit de porter les vêtements rouges, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les vêtements qui sont entièrement rouges. Al-libas al-ahmar al-khalis la yajuzu libsu. Amma al-ahmar al-mukhtalit ma'a lawn akhar ja'iz. Mithlu hadha. Le vêtement qui est rouge pur, on n'a pas le droit de le porter. Mais s'il est mélangé à une autre couleur, on a le droit de le porter comme le vêtement que le frère a autour de son cou. Taïeb. Maintenant, on va rentrer dans, inshallah ta'ala, le deuxième chapitre. Nadkhulu fil bab al-thani. Le deuxième chapitre. Al-bab al-thani huwa bab ma ja'a fi khatam an-nubuwah. Le deuxième chapitre concerne ce que l'on appelle le sceau de la prophétie. Wa hadha al-bab lahu 'alaqa bil bab al-awwal. Huwa mukammil. Ce chapitre a un lien avec le chapitre précédent. Il vient le compléter. فَلَا يَزَالُ فِي وَصْفِ النَّبِي عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسَّلَامِ. Il est toujours dans la description physique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sauf qu'ici, on va parler d'une chose particulière dans la description physique du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Nous allons parler, incha'Allah ta'ala, de ce qu'on appelle le sceau de la prophétie. Al-khatam huwa juz'un min al-lahm 'ala dhahri an-nabi sallallahu alayhi wa sallam بين كتفيه وهو أقرب إلى كتفه الأيسر وهو من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. Le sceau de la prophétie, c'est une excroissance de la peau, c'est-à-dire un morceau de chair qui se trouve sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus particulièrement entre ses deux épaules et plus proche de l'épaule gauche que de la droite. Et ce morceau de peau est un signe qui montre la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadha al-khatam dhukira fi al-Injil wa al-Tawrah wa dhukira fi sunnati al-Nabi alayhi salatu wa salam. Ce sceau de la prophétie a été cité comme étant un signe qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un véritable messager dans les livres précédents, la Torah et l'Injil, et aussi dans la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. ثم اختلف العلماء متى جاء هل ولد به أو جاء بعد ولادته. Les savants ont divergé. Ce bout de chair dont on parle, est-il venu après la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien le prophète est-il né en ayant déjà ce bout de chair sur son dos au milieu de ses épaules? قال الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. Le شيخ qui explique ce livre a dit: الأظهر أنه جاء مع حادثة الشق عندما جاء جبريل وشق بطنه ألم نشرح لك صدرك السورة شق بطنه وأخرج قلبه ونظفه وطهره ثم بعد ذلك جاءه هذا الخاتم وجعل فيه الخاتم. Il dit que il apparaît que ce qui est le plus probable, c'est que le sceau de la prophétie, le prophète n'est pas né avec, mais il l'a eu le jour où Jibril est venu. Quand il était alors enfant, il lui a ouvert la poitrine, il lui a fait sortir son cœur pour le purifier et le nettoyer. Et il lui a remis son cœur dans sa poitrine. C'est à ce moment-là qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait apparaître sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam le sceau de la prophétie. Alayhi salatu wa salam. Donc, nous allons voir la description de ce khatam. Nahnu sanara wasf. Et nous allons voir que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont décrit. Ils ont même décrit sa forme, ils ont décrit l'endroit où il se trouve, et ils ont même décrit ce qu'il y a autour du sceau de la prophétie alayhi salatu wa sallam. Al-hadith al-awwal fi hadha al-bab 'an As-Sa'ib ibn Yazid رضي الله عنه. Nous allons donc lire le premier hadith. قال ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن حجر رحمه الله لم أقف على اسمها. فإذا لا نعرف اسم هذه الخالة. قال ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع. أي فيه مرض. فيه سقم. وفي رواية للبخاري أنه قال إن قالت إن ابن أختي وقع أي في القدم. فعلم من هذه الرواية أنه أصابه شيء من المرض والسقم في قدمه. قال فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه بقية الماء وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل رز الحجلة. Donc ici ce compagnon qui est Sa'ib ibn Yazid radiyallahu anhu nous dit ma tante maternelle m'emmena chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam ibn Hajar rahimahullah a dit je n'ai pas trouvé le nom de cette tante. Donc il est inconnu. Quoi qu'il en soit, il dit « Ma tante m'emmena chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Elle lui dit « Ô messager d'Allah, mon neveu ressent une douleur. » C'est-à-dire qu'une maladie l'a touché. Donc elle est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il invoque pour cet enfant, pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala le guérisse et lui enlève cette douleur. Et dans une version authentique du hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, cette tante dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, mon neveu ressent une douleur dans la jambe. Et avec cette version du hadith, on sait qu'il a eu mal au pied. Radiallahu anhu. Ce compagnon nous dit, il passa alors sa main sur ma tête et appela la bénédiction de Dieu subhanahu wa ta'ala sur moi. C'est-à-dire que quand cette femme est arrivée voir le prophète alayhi salatu wa salam pour lui informer que ce neveu qu'elle a une douleur dans la jambe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qarrabahu ilayhi wa masaha ra'sah, ay wada'a yadahu ala ra'sihi wa harrakaha. Il a posé sa main sur la tête de cet enfant qui avait une douleur au pied, et puis il a essuyé sa tête avec sa main. وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ. Et il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala en lui demandant de donner à cet enfant al-baraka. Al-baraka, ثُبُوتُ الْخَيْرِ مِنَ اللَّهِ فِي الشَّيْءِ. Ce qui est appelé al-baraka vient des trois lettres arabes baraka. Et ces trois lettres sont utilisées pour désigner une chose qui est stable et ferme. Et c'est pour cela qu'un endroit où il y a une retenue d'eau, en arabe s'appelle birka. Al-makan alladhi uqifa fihi ma' yusamma birka. Summiya birka li'anna al-ma' thabitun fihi. Fa barakatullahi ta'ala khayrullah thabit fil insan. ودائم ومستمر ومتواصل. Donc le mot baraka veut dire le bien d'Allah tabaraka wa ta'ala continuel sur son serviteur ou sur une chose quelconque. Donc ici on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah en lui demandant de donner à cet enfant al-baraka. Cet enfant nous dit, il fit les ablutions rituelles. Tawadda an-nabi alayhi salatu wa salam. قال فشربت من وضوئه. الوضوء هو الماء الذي استعمله للوضوء. Donc il dit, et je bus de l'eau qu'il utilisa pour celle-ci. L'eau qu'il restait avec laquelle le prophète alayhi salatu wa salam a fait ses ablutions, Sa'ib ibn Yazid a pris cette eau et l'a bu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit plus loin, je me tins debout derrière lui et vit le seau entre ses épaules. L'imam Tirmidhi rahimahullah a cité ce hadith ici pour ce passage, car il a un lien avec le chapitre. Il nous dit, le compagnon nous dit, وَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِ. وَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِ أي وَرَأَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَامَ اتِّفَاقًا يعني قام في الوقت الذي قام النبي عليه الصلاة والسلام فرأى الخاتم في ظهره أو قصدا أي أنه قام وهو يبحث عن الخاتم ينظر يريد أن يراه. Il dit, je me suis tenu debout derrière lui. Cheikh Abd al-Razzaq al-Abban hafidhahullah a dit, soit il s'est levé en même temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas prévu, mais quand il s'est levé, le prophète s'est levé en même temps que lui et il s'est retrouvé face à son dos, c'est alors qu'il a pu voir le morceau de chair sur son dos, ou bien il s'est levé pour chercher ce qu'il y a sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car certains compagnons ont cherché ce morceau de chair sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quoi qu'il en soit, il a pu apercevoir ce morceau de chair et il nous a donné l'endroit où il se trouvait, entre ses épaules, et il nous a décrit la forme. وصف لنا يعني ذكر لنا وصف هذا الخاتم. Il nous a donné la forme de ce khatam, de ce sceau. Il nous dit فإذا هو مثل رز الحجلة. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah a expliqué cette fin de hadith. Il nous dit رز أي رز الحجلة. قال الإمام al-Tirmidhi rahimahullah رز الحجلة هو بيضة الحجلة. البيضة المعروفة بيضة الحمامة، بيضة الحجلة، بيضة الديك، البيضة التي تؤكل. والحجلة نوع من الطيور معروف. فالحجلة طائر، الحجلة طائر، أنوزو طائر معروف. Donc il nous dit qu'il ressemblait à un œuf de perdrix. Al-Hajala, qui est cité ici en arabe, c'est le nom d'un oiseau qui est la perdrix. La perdrix, c'est un oiseau qui existe même en France, qui est connu. Et si vous voulez le voir, vous pourrez trouver ces photos, les photos de l'œuf de la perdrix sur Internet pour savoir comment était le sceau de la prophétie. لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي وكان صغيرا quand le prophète a invoqué Allah pour ce compagnon alors qui était alors jeune, l'imam al-Bukhari رحمه الله nous explique نتيجة هذا الدعاء لما كان كبير السن. Qu'est-ce qu'on a vu de ce jeune garçon quand il a grandi? Qui est celui qui a demandé la baraka pour lui? Le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. جاء في البخاري Imam al-Bukhari rapporte عن الجعد ابن عبد الرحمن selon الجعد ابن عبد الرحمن qui dit قال رأيت السائب ابن يزيد ابن أربع وتسعين سنة. Donc cet homme nous dit j'ai vu السائب ابن يزيد qui avait 94 ans. هذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وبركة الله. Regardez la baraka qu'Allah a donné à cet enfant. Quand il nous raconte cette chose là il était enfant. Ici, un homme nous dit, je l'ai vu, As-Sa'ib ibn Yazid, il avait 94 ans. قال, جلدًا مُعْتَدِلًا أي قويًا يمشي بقوة ممتع بسمعه وبصره كأنه شاب. Il dit, j'ai vu As-Sa'ib ibn Yazid à 94 ans, il était dynamique et droit. C'est-à-dire qu'il était encore en bonne santé. Il jouissait pleinement de l'ouïe et de la vue. Et il marchait correctement. Il n'avait besoin ni de canne, ni de quelqu'un pour l'aider à marcher. Le résultat de l'invocation du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. قال فقال السائب. Quand cet homme a vu السائب à 94 ans, il s'est étonné de la bonne santé de ce vieil homme. السائب, ce vieil homme lui dit, قَدْ عَلِمْتُ مَا مُتِّعْتُ بِهِ إِلَّا بِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Il dit, je sais que je ne jouis de cette santé que par la cause de l'invocation du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Et donc on voit ici que les sahaba رضي الله عنهم كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا خاص به لا يتبرك بغيره عليه الصلاة والسلام. التبرك بغيره شرك بالله. الله أعطى له هذه الخصيصة. Donc on voit à travers ce hadith que les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم prenaient de la baraka du prophète صلى الله عليه وسلم. Mais c'est une chose qui est strictement réservée aux messagers d'Allah. Il est formellement interdit dans l'islam de demander de la baraka à quelqu'un d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. La seule chose qui était permise, c'était que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, les compagnons avaient le droit de prendre de ses cheveux ou de toucher de son corps ou de boire des choses qui viennent de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans plusieurs hadiths, du lait qui sortait de sa main et bien d'autres choses encore. Mais après ça, il est formellement interdit de chercher la baraka chez autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. فالذي يتبرك بشخص بولي بقبر بملك بنبي يقع في الشرك العظيم بالله عز وجل. Celui donc qui cherche la baraka, que ce soit d'une tombe, d'un pieu, d'un shir, d'un maître ou de quoi que ce soit, d'un prophète, d'un ange, aura associé à Allah et sera tombé dans le pire péché. Dalil ala dhalik, la preuve de ça, لَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْكَلَمُ بِلَا عِلْمُ وَبِلَا دَلِيلُ. Il est interdit de parler, de dire des choses dans la religion sans connaissance et sans preuve. الدليل أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتبركوا بعضهم ببعض. La preuve, c'est que les compagnons ne cherchaient pas de la baraka les uns envers les autres. وأنتم تعرفون, et vous savez que Abu Bakr رضي الله عنه أتقى الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأنبياء, après les prophètes, après les prophètes, Abu Bakr est la meilleure personne qui a marché dans cette terre. La meilleure personne. À un point où si on posait la foi de Abu Bakr sur un plateau de la balance, et la foi de tous les musulmans du premier Adam jusqu'au dernier Yawm al-Qiyamah sur l'autre plateau, c'est la foi de Abu Bakr qui serait plus forte. La wudi'a iman al-muslimina jami'an min awalihim Adam ila akhirihim fi kiffati al-mizan. Thumma wudi'a iman wa Abi Bakr fi kiffa la rajaha biha iman wa Abi Bakr. La foi de Abu Bakr aurait été plus forte. ومع ذلك ما سمعنا ولا في حديث واحد أن الصحابة تبركوا به فغيرهم من باب أولى. Et nous n'avons jamais entendu dans un seul hadith que les compagnons ont pris la baraka de Abu Bakr. Alors autre que lui, à plus forte raison, c'est formellement interdit. الحديث الثاني, le hadith suivant, عن جابر بن سمرة رضي الله عنه. جابر بن سمرة نجي رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. Le compagnon nous dit, j'ai vu le sceau entre les épaules de l'envoyé de Dieu صلى الله عليه وسلم. C'était une excroissance rouge semblable à l'œuf de la colombe. C'est-à-dire que lui aussi a eu l'occasion de voir de ses yeux le morceau de chair sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ثم وصفه, puis il l'a décrit. وانت ترى وفقك الله في الحديث الأول قال مثل رز الحجلة أي بيضة الحجلة والثاني بيضة الحمامة لأن كلا من الصحابة يصف الخاتم بما يعرف وبما سنح له. فالأول يعرف حجم بيضة الحجلة والآخر يعرف وقد رأى في حياته بيضة الحمامة فكل واحد يصف بما يعرف. Donc ici tu vois que dans le premier hadith, le compagnon nous dit qu'il ressemblait à l'œuf de la perdrix. Dans le deuxième, à l'œuf de la colombe. Car chacun parmi les compagnons décrivait le prophète alayhi salatu wassalam en fonction de ce qu'il connaissait, de ce qu'ils avaient vu. Le premier avait vu l'œuf de la perdrix et le deuxième avait vu dans sa vie l'œuf de la colombe. Chacun a décrit selon approximativement ce qu'il connaît. Ce qu'on retire, c'est qu'il était semblable à un œuf. Donc, ici il nous dit « Ruddatan hamra ». Il nous décrit le sceau de la prophétie comme étant ce qu'on appelle en arabe « Rudda ». En français, c'est l'excroissance. C'est un bout de peau. « Al-Rudda fil lughati al-arabiyya » هي قطعة من اللحم تحت الجلد إذا وضعت أصبعك عليه يتحرك فليس ثابتا مثل التآليل. La ghudda, c'est un morceau de chair qui se trouve en dessous de la peau. Lorsque tu poses ton doigt dessus, il bouge. Il est différent de la verrue. La verrue, c'est un morceau de chair qui apparaît sur la peau à l'extérieur. La rudda en arabe, c'est à l'intérieur de la peau. Et il n'est pas fixe, il bouge quand tu passes ton doigt dessus. Et ici, il nous dit qu'il était rouge. Il était rougeâtre. Al-hadith, al-tali, al-thalith. Le troisième hadith. عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن جدته رميثة قالت. Une femme parmi les femmes des compagnons nous rapporte, elle nous dit, قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. Cette femme nous dit, au sujet du compagnon qui s'appelle Saad Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu, le jour où mourut ce dernier, elle nous dit, elle nous dit, donc le jour où Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu est mort, elle dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire sur Sa'd ibn Mu'adh le jour où il mourut, le trône du bienfaiteur s'est soulevé à son intention. Si j'avais voulu embrasser à ce moment-là le sceau entre ses épaules en raison de sa proximité, je l'aurais fait. Ici, elle nous raconte qu'elle était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, le jour où Sa'd est mort, radiyallahu anhu. Et elle a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, ihtazza lahu arshu ar-Rahman. Et elle veut nous montrer sa proximité ce jour-là du prophète alayhi salatu wa sallam. À un point où, si elle avait voulu embrasser ce morceau de chair sur le dos du prophète alayhi salatu wa sallam, elle aurait pu le faire. Donc ici, elle nous donne plusieurs informations. Et l'imam Tirmidhi rahimahullah a cité ce hadith dans ce chapitre pour nous montrer que cette femme a vu de ses yeux le morceau de chair sur le dos du prophète alayhi salatu wa sallam. Quand est-ce qu'elle l'a vu? Le jour de la mort de Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu. Le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a tremblé quand Sa'd est mort. Tellement qu'Allah subhanahu wa ta'ala aimait ce compagnon. Allah subhanahu wa ta'ala kana yuhibbu wa yuhib Sa'd ibn Mu'adh. Falamma tuwfi ihtazza arshullah. Subhanallah. Limahabbatihi lihadha ar-rajul. Tellement qu'Allah aime ce compagnon, lorsqu'il est mort, son trône, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a tremblé. Tellement cet événement était grand chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, le jour de cette information, Rumaytha a vu le morceau de chair sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa nahnu ahlus sunnati wal jama'a, et nous les gens de la sunna et du groupe, nous croyons, nu'minu bi arshillah. Nous croyons qu'Allah tabaraka wa ta'ala a un trône. Wa nu'minu annahu makhluq. Nous croyons que c'est une créature. Wa annahu a'zamu al-makhluqat wa akbaruha wa awsa'uha. C'est la plus grande créature d'Allah. Wa huwa saqful makhluqat. C'est la créature d'Allah qui est au-dessus de toutes les autres créatures. Wa qad ja'a wasfuhu fi al-Qur'an bi al-'arsh al-majid ay al-wasi' wal-karim wa al-'azim. Et Allah l'a décrit par trois adjectifs dans le Coran. Le arsh al-majid, c'est-à-dire le large trône. Deuxièmement, al-arsh al-karim, c'est-à-dire le noble trône. Troisièmement, al-arsh al-azim, le trône immense. Fa al-mu'min yu'minu bi arshillah wa yu'minu anna Allah istawa 'ala 'arshih. Fa huwa al-qahiru fawqa 'ibadihi kama qala ta'ala. Le croyant a pour conviction qu'Allah a pour créature le trône et qu'il est au-dessus de son trône. Nous croyons que c'est la créature la plus grande qu'Allah ait créée et fait exister. J'ai fait le hadith. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ma al-kursiyu fi as-samawat, ay nisbat al-kursi ila as-samawat, ma al-kursiyu fi as-samawat illa ka halqatin ulqiyat fi falah, fi sahara. ثم قال عليه الصلاة والسلام وما العرش في الكرسي إلا مثل ذلك. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il nous dit, pour nous montrer la grande taille du trône d'Allah tabaraka wa ta'ala, la différence qu'il y a entre le kursi, le kursi ce n'est pas l'arsh, c'est plus petit que l'arsh, entre le kursi et les sept cieux, c'est à l'image d'une bague qui est lancée dans le désert. Imaginez-vous la taille d'une bague quand elle est par terre dans un désert. On ne la voit même pas tellement le désert est grand. Le kursi est bien plus grand que les sept cieux, à l'image d'une bague qu'on jette dans le désert. Plus loin, le prophète dit, alayhi salatu wassalam, la différence qu'il y a entre le trône et le coursi est à l'image d'une bague qu'on lance dans le désert. وَفِي هَذَا عَظَمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Et on voit à travers ce hadith la grandeur et l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. الحديث التالي وهو الرابع الكتم حديث في الشابتر عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه. Le compagnon nous dit: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد الآن ينادي يدعو بكنيته لأن في هذا الأسلوب لين. وإذا ناديت أخاك بهذا الأسلوب تقول له يا أبا فلان استجاب لك. فقال له يا أبا زيد أدن مني أي تقرب إلي أقرب مني فامسح ظهري. قال الصحابي فمسحت ظهري فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت الذي يتكلم مع هذا الرجل هذا الصحابي يقول له قلت ما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. Donc, ce compagnon nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, ô Abu Zayd, approche-toi de moi et passe ta main sur mon dos. Ce compagnon s'appelle Amr, mais il l'appelait pas son surnom. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de l'amitié d'appeler les gens que tu aimes par leur surnom. Et c'est plus prompt pour qu'il te réponde et qu'il réponde à ton appel. Et aussi, le prophète alayhi salatu wassalam était modeste avec ses compagnons. Ici, il l'appelle et il lui dit, approche-toi de moi et passe ta main sur mon dos. Et le compagnon se rapproche de lui, il pose sa main sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il fait bouger sa main. Il dit, je lui frottais alors le dos et mes doigts tombèrent sur le seau. Donc avec ses doigts, il a pu sentir le morceau de chair sur le dos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'homme à qui ce compagnon a parlé lui a dit, qu'est-ce que le sceau? Quelle est-elle? Comment est-il? Alors Abu Zayd lui dit, une légère touffe de poils. Une légère touffe de poils. قال شعرات مجتمعات. قال الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. Le Cheikh عبد الرزاق a dit dans l'explication de ce hadith, une touffe de poils, une légère touffe de poils. معنى هذا أن حول الخاتم شعرات شعرات يسيرة. ليس معنى هذا أن الخاتم نفسه هو شعرات. لا بل حوله. Il nous dit que l'explication de cette parole, c'est qu'il y avait autour du morceau de chair des poils. Donc le morceau de chair en lui-même, ce n'est pas lui qui a été décrit comme étant une touffe de poils. Mais la touffe de poils, c'est ce qui est autour de ce morceau de chair. Donc on a une information en plus, c'est qu'il y avait des poils qui poussaient autour du morceau de chair du prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Savez-vous qu'est-ce qu'il est arrivé à ce compagnon? هل تعرفون ما حصل لهذا الرجل أبي زيد بعد أن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد أن مسح ظهره؟ Savez-vous ce qui lui est arrivé après que le prophète عليه الصلاة والسلام a passé sa main sur son dos? L'imam Ahmed رحمه الله nous rapporte ce qui lui est arrivé. جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي يزيد رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أدن مني فمسح بيده على رأسه ولحيته. Donc ce compagnon nous dit, le prophète صلى الله عليه وسلم m'a dit, approche-toi de moi. Il a fait passer sa main sur sa tête et sa barbe. ثم قال, puis le prophète a dit, اللهم جمله وَأَدِمْ جَمَالَهُ. Il a dit, oh Allah, embellis cet homme et fais que sa beauté soit continuelle. Fais qu'il soit tout le temps beau et embellis-le. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, al-Rasul, دَعَ لَهُ بِالْجَمَالِ أَنْ يَكُونَ رَجُلًا جَمِيلًا طُولَ حَيَاتِهِ. Il a invoqué Allah pour faire de lui un homme beau continuellement jusqu'à sa mort. قال فبلغ بضعا ومئة سنة. الله أكبر. Cet homme a vécu jusqu'à plus de 100 ans et quelques. Il a vécu plus de 100 ans et quelques. وَمَا فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَيَضٌ إِلَّا نُبَذٌ يَسِيرٌ. Il a vécu jusqu'à plus de 100 ans. Il n'y avait presque aucun poil blanc sur sa tête et sa barbe. Pourquoi? الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له بالجمال فكان جميلا حتى آخر أيامه. Il était beau jusqu'à ses derniers jours. قال وَلَقَدْ كَانَ مُنْبَسِطَ الْوَجْهِ وَلَمْ يَنْقَبِضْ وَجْهُهُ حَتَّى مَاتَ لَيْسَ فِيهِ تَجَاعِيدٌ. Il dit, il n'avait aucune ride. Il avait un visage resplendissant qui n'avait aucune ride jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. وَأَنْتَ إِذَا سَمِعْتَ هَذَا تَتَمَنَّ أَنْ تَكُونَ فِي مَكَانِ هَؤُلَاءِ. Lorsque tu entends ça, Allah, tu aimerais être à la place de ces gens-là. وَهُنَاكَ سُؤَالِ هَلْ يُمْكِنُكَ أَنْ تَكُونَ فِي مَكَانِ مِثْلِ هَؤُلَاءِ. مَا رَأْيُكَ. À ton avis, est-ce que tu peux ressembler à ces gens-là là? بمعنى هَلْ يُمْكِنُ لَكَ أَنْ يُنْعِمَ اللَّهُ عَلَيْكَ بِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَدْعُو لَكَ بِالْجَمَالِ حَتَّى تَمُوتَ. Est-ce que tu peux faire partie de ces gens pour lesquels le prophète عليه الصلاة والسلام a demandé à Allah de les rendre beaux jusqu'à ce qu'ils meurent ou pas? Le prophète est mort. Notre frère, il dit, c'est pas possible. Wa Sheikh Abdul Razak al-Abbad hafizah Allah yaqul yumkin. Le Sheikh qui explique le hadith, il dit c'est possible. طيب اذا كان يمكن كيف يمكن. Si c'est possible, comment c'est possible? Tu veux répondre? هذا شيء اخر وهو صحيح الا ان لا. Ce n'est pas ça la réponse. Le frère a dit en demandant à Allah. Moi j'ai dit comment on peut faire pour faire partie des gens pour lesquels le prophète a demandé à Allah fait que celui-là devienne beau et reste beau jusqu'à sa mort. Al-jawab, إذا حفظت حديثا وفهمته وعملت به وبلغته إلى الناس دعا النبي عليه الصلاة والسلام لك بالجمال حتى تموت. La réponse, écoute bien ça Abdel Karim. Écoute bien ça inshallah. Si tu apprends un hadith par cœur, tu comprends ce qu'il veut dire, tu le mets en pratique et tu le transmets aux gens, تقول للناس قال رسول الله تملأ بيتك قال رسول الله قال رسول الله وأنت تأتي بالحديث كما هو لا تغير الألفاظ. Tu viens, tu cites ce hadith là aux gens dans ta maison, dans les endroits où tu es, tu ramènes les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah pour toi subhanahu wa ta'ala. Ma dalil? Quelle est la preuve? Natarabba ala dalil. On s'accroche que aux preuves. عن روى الإمام الترمذي رحمه الله الإمام الترمذي أغبط عن عبد الله بن مسعود سنو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبروفيت أجي نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وكان عندما قال هذا في مسجد خيف في ميناء في مكة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour dans la mosquée de Khif, qui est un endroit qui se trouve à Mecca, à Mina, là où on accomplit le hajj. Et في هذا الحديث صلى 70 من الأنبياء. Dans ce hadith, 70 prophètes ont accompli des prières. Le prophète nous dit نظر الله أي كأنه يقول أسأل الله أن يجمل وأن يجعل في وجهه النور والجمال والنظرة لمن سمع الحديث وحفظه وبلغه للناس. Il dit qu'Allah fasse resplendir, qu'Allah embellisse, qu'Allah illumine le visage de celui qui entend une de mes paroles et qui la comprend bien, puis qui la mémorise et qui la transmet. قال فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه يمكن أن يكون رجل يحفظ حديثا يحمل حديثا في قلبه ويبلغه إلى من هو فقيه فيفهمه فهو لا يفهم يبلغ فيفهم الفقيه. Il dit car il se peut qu'une personne mémorise une parole ou un hadith et le transmettre à une autre personne qui le comprend. C'est-à-dire que des fois, il se peut qu'une personne n'a pas d'ilm, n'a pas de science, mais elle a appris un hadith, une parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Et un jour, elle transmet cette parole à quelqu'un qui sait comprendre les hadiths. Il n'avait jamais entendu ce hadith. Il l'entend, il le comprend, il en tire des leçons. Par la cause de cette personne qui a appris le hadith. وَفِي هَذَا يَحُثُّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى حِفْظِ الْحَدِيثِ. Et à travers ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à apprendre les hadiths. وَقَالَ نَظَّرَ اللَّهُ أي جَمَّلَهُ اللَّهُ وَبَيَّضَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَنَوَّرَهُ. Qu'Allah fasse blanchir, briller, resplendir son visage. Le Cheikh Abdel Razak al-Abbad nous dit, celui qui apprend les hadiths, qui les comprend, qui les transmet, Allah tabaraka wa ta'ala va les embellir. Il dit, ra'ayna al-ulama, ulama al-sunna, wujuhuhum jamila. Bisababi madha, hifdhihim lil-hadith. On a vu les savants de la sunna avec des visages illuminés, resplendissants. Par quelle cause? Par la cause de ce hadith. وأنا أقول رأيت وجه الشيخ الذي يقول هذا الكلام والله وجه منور. Je vous ajoute que moi j'ai vu le visage du Cheikh Abdel Razak Al-Abbad حفظه الله تعالى والله الذي يرى يحبه. Celui qui le voit, il aime et veut rester avec lui. حفظه الله تعالى. Et celui qui va faire le hajj, il va le voir. Il est à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va prendre un hadith, le hadith suivant. An Buraïda radiyallahu an. Le compagnon Buraïda radiyallahu anhu ici va nous raconter une chose qui s'est passée avec le compagnon Salman al-Farisi radiyallahu an. Qala جاء سلمان الفارسي وهو من الصحابة. سلمان صحابي معروف رضي الله عنه. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمان الفارسي c'est un compagnon du prophète عليه الصلاة والسلام. Il est venu de la Perse. Maintenant, ça s'appelle l'Iran. L'Iran actuel. Avant, c'était la Perse. Il est venu de cet endroit et il a voyagé. Il a voyagé, il a changé à chaque fois d'endroit. Pourquoi ? Il recherchait din. Il recherchait la religion, recherchait la vraie religion, il recherchait la foi. Et un jour, des gens lui ont dit, il y a un prophète qui va arriver. Il va venir dans une terre où il y a des Arabes. Et ce prophète-là, tu vas le reconnaître avec trois choses. Si tu lui donnes une sadaqa, il ne l'accepte pas parce qu'il n'a pas le droit de l'accepter, le prophète, alayhi salatu wassalam. Si tu lui donnes un cadeau, il va l'accepter. Troisièmement, tu vas voir sur son dos un morceau de chair. Alors, Salman al-Farisi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché toute sa vie le prophète, alayhi salatu wassalam, et il l'a trouvé. Et le jour où il l'a trouvé, pour être sûr que c'était lui, il est arrivé avec des dattes. Rotab, ce sont des dattes fraîches. Il est arrivé avec un plateau sur lequel, dans lequel il y avait des dattes. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, voici une sadaqa pour toi, pour voir s'il va l'accepter ou pas. Voici une sadaqa pour toi. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سلمان ما هذا. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit oh Salman, qu'est-ce que c'est. لا يسأله عن النوع نوع الطعام رأه يسأله عن هل هذا صدقة هدية ما هذا. Ici il ne lui demande pas qu'est-ce que tu as dans les mains parce qu'il l'a vu. Il ne lui demande pas qu'est-ce que tu as dans les mains. Il lui demande est-ce que c'est une sadaqa ou est-ce que c'est un cadeau, qu'est-ce que c'est. فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. Le compagnon il répond c'est une aumône pour toi et pour tes compagnons, c'est une sadaqa ya Rasulallah. Il lui dit une aumône pour toi et tes compagnons. Qu'est-ce que le prophète alayhi salam lui a dit à votre avis? فقال له ارفعها عني فإنا لا نأكل الصدقة. Le prophète lui a dit retire-la car nous ne mangeons pas les sadaqa. Il parle de lui ici. Au riwayat min al-hadith, dans l'autre hadith, l'autre version du hadith, il a dit aux sahaba kuluha, mangez-la vous. Et lui il ne l'a pas mangé parce que le rasoul il n'a pas le droit de prendre la sadaqa. Allah il lui a interdit. Alors il a dit à cet homme retire-la, je n'ai pas le droit de manger la sadaqa. Salman il est parti et il a dit hadihi ula, voici la première, j'ai vu un signe. Antum tasawwaru ta'ammalu Salman yurid an yakun hadha qad wajada ar-rasul. Imaginez-vous Salman, il cherche le prophète alayhi wasallam, il espère que c'est lui. Toute sa vie il l'a cherché. Il est fatigué mais il ne désespère pas. Il cherche. Et là il vient de voir un premier signe. Il lui en reste deux. C'est quoi les deuxièmes? C'est qu'il accepte le cadeau. Et le troisième, le morceau de chair sur le dos. Alors Salman il part. قال فرفعها فجاء الغد بمثله. Salman est parti, il est revenu le lendemain avec des dattes encore. فوضعه بين يدي رسول الله. Il les a posées devant le prophète alayhi wasallam. فقال, il lui a dit voici, prends. فقال له ما هذا يا سلمان. Le prophète alayhi wasallam lui a dit qu'est-ce que c'est يا سلمان, c'est-à-dire est-ce que c'est une sadaqa, c'est un cadeau, qu'est-ce que c'est. Salman lui dit فَقَالَ هَدِيَّةٌ لَكَ. Salman lui répond c'est un présent pour toi, c'est-à-dire c'est un cadeau pour toi ô messager d'Allah. Qu'est-ce que le prophète alayhi salam a fait? Là il l'a pris, il l'a mangé parce qu'il a le droit de prendre les cadeaux mais il n'a pas le droit de prendre la sadaqa. Salman قال, le prophète alayhi salam a dit à ses compagnons فقال يصحابي ابسطوا ايديكم خذوا. Et là il a dit à ses compagnons prenez-la. ثم, donc ici Salman il a vu le deuxième signe. Il lui manque plus qu'un dernier signe et le rêve de toute sa vie va se réaliser. Il lui manque plus qu'une seule chose. S'il la voit avec ses yeux, il est content parce qu'il a trouvé la vraie religion. Il a trouvé ce qui va le faire rentrer au paradis, ce qui va faire qu'Allah il va l'aimer. Il a trouvé le but de toute sa vie, il lui manque juste une seule chose. Imaginez-vous comment il est Salman. Salman, qu'est-ce qu'il fait? Il va derrière le dos du prophète alayhi salam et il cherche. Il cherche avec ses yeux. قال ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به. Puis Salman radiyallahu anhu a regardé le morceau de chair sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors, il l'a vu de ses yeux et il a cru en lui. Il est devenu un croyant et il a réussi. Toute sa vie, il s'est fatigué. Ça y est, il a trouvé le messager d'Allah. Il a trouvé la religion. Il a trouvé le jannah. Il a trouvé l'amour d'Allah. Il a trouvé la chose pour laquelle Allah l'a créé. Subhanahu wa ta'ala. Wa kana lil yahud. Et en ce temps-là, Salman, c'était un esclave. Un esclave des juifs. Il travaillait chez des juifs. C'était un esclave, il n'était pas libre. Il n'avait pas le droit de faire ce qu'il veut, c'était un esclave des juifs. Fashtarahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi kadha wa kadha dirhaman. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été voir les juifs et il leur a dit vous libérez Salman et en échange, je vous donne de l'argent. Et les Juifs ont dit qu'ils étaient d'accord. Ils ont dit, on te laisse, on le laisse, on le libère. Il vient avec vous, il part, on le laisse, à condition que tu nous donnes de l'argent. Deuxièmement, il doit nous planter des palmiers. Parce qu'avant, les travailleurs, les agriculteurs, ils plantaient des arbres, ils plantaient les palmiers. Parce que dans les palmiers, on trouve des dattes. Alors, ils ont mis cette condition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté cette condition. فَيَعْمَلُ سَلْمَانُ فِيهِ حَتَّى تُطْعِيمُ. Les Juifs ont dit au prophète alayhi wa sallam, on le laisse partir, si tu nous donnes de l'argent, et s'il travaille pour nous jusqu'à ce qu'il plante des palmiers, ensuite, il les cultive et il les fait grandir jusqu'à ce qu'il donne des fruits. Et après, on le laisse partir. Il y avait aussi comme condition qu'il leur plante des palmiers que Salman devait entretenir jusqu'à ce qu'il donne des fruits. طيب. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر. Le prophète صلى الله عليه وسلم alors a planté avec sa main pour aider Salman les palmiers. بشره ساعده. Il l'a aidé. وفي هذا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. On voit la modestie du prophète عليه الصلاة والسلام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas orgueilleux. Il ne cherche pas à être meilleur que les gens. Il aide ses compagnons, il aide ses frères. Comme il avait pitié pour son frère Salman, il était pressé que Salman devienne libre, il l'a aidé. Et avec ses mains, il a planté tous les palmiers, sauf un seul. Et retenez bien ça. Il a planté tous les palmiers, sauf un. Qui est-ce qui a planté le dernier palmier? Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Umar est arrivé, il l'a aidé, il a planté le palmier. فَحَمَلَتِ النَّخْلُ مِنْ عَمِهَا. Et en un an, tous les palmiers que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plantés ont donné des dattes. Tous les palmiers que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plantés ont donné des dattes. وَلَمْ تَحْمِلِ النَّخْلَ نَخْلَةَ عُمَر. Et le palmier que Umar radiyallahu anhu a planté n'a pas donné de dattes. N'a pas donné de date. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة. Quand le prophète صلى الله عليه وسلم a regardé, il a vu tous les palmiers avec des dates, sauf un seul. Il n'y en avait pas. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit pourquoi ce palmier n'a pas donné de date? Qu'est-ce qui se passe? Umar a répondu. فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. عمر a dit, oh messager d'Allah, c'est moi qui l'a planté. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? À votre avis, Amidou, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Allah, il a lu. Amidou Karim, il l'a touché, c'est tout? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il l'a touché, mais qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Barakallah fik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam فَنَزَعَهَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامِ فَغَرَسَهَا فَحَمَلَتْ مِنْ عَمِهَا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a arraché le palmier que Umar a planté parce qu'il n'y avait pas de date. Il l'a replanté avec ses mains et dans la même année, il y a des dates qui sont arrivées et Salman était libre. Était libre. رَضِيَ anhum. Donc, on va s'arrêter ici, inshallah ta'ala, et on prendra la suite la semaine prochaine. Peut-être que je serai absent la semaine prochaine. Je vais tout faire, inshallah, pour être là. Mais si vous ne me voyez pas, je serai là le samedi d'après. Mais on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous faciliter. Nasallahu azza wa jal, an yufaqihana fi d-din, wa an yarzuqana l'ikhlas fi l-qawli wal-amal, wa yaghfira lana, wa jazakum Allahu khayran. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.